tendu, des disassés dans boîte méca, j'suis en DSG à 2,40 et j'me fais sucer dans la boîte mobile, le mobile du crime dans le phone mobile, j'dois guéla à l'embila, Lambo Villa, blonde mannequin, ouais cette villa, ou Tchernobyl, comme Nicolas Cage. Je lâche le BGT, je vends terrain de pète et je rentre en bourse comme Tommy Shelby. La délation coûte cher, l'appellation un peu moins. Se faire donner par des Pigman ou rafaler les témoins. Finir millionnaire sur un coup de poker, tout rafler, dormir au pullman. Le toka est toujours à l'air, je suis le joker avec une Batman. Je suis pas pressé, je me précipite, blood crack musique, je suis pas sous Jack. Gros gros caillou, j'suis une petite pépite, une grosse moula, je filme Pierre Paul Jack. Dans deux salles à faire. Sors les points pour le bob. Dans deux salles à faire. Le coffre est chargé, chassé par les motards. Il sait pas où le mettre, capo, Sanchez, Panet. Si tu me sers, je suis pas là. Je suis dans un coin de Marbella. Range Rover là, qu'est-ce grosse villa. Ramène, mets là, très vite. Je veux la monta très vite. Le calibre très vite. Tu puis trop là comme Nivek. Eh, hey, Boboche, la Bezou. Tu connais le réseau. BK, la Zine. Je suis dans le grec du coin. Demain, dans les îles. C'est logique, on a pris du cash. Toi, j'entends que tu pars. Je te bafa avec une quiche. Vilka des montagnes, comme Zlatan Vivich. On passe à l'action, bip de 3 Sika. Lios, on claque des doigts comme Thanos. T'as pas tant de l'âge, dire adios. Eh, eh, fais pousser au capus. Elle veut que je passe la bagousse. 9-3 dans toutes sortes de magouilles. On est parti à faire pas lourd. Addition mes sentiments. Tu verras que ça fera pas lourd. Dans deux salles à faire. Sors les points pour le bob. Dans deux salles à faire. Le coffre est chargé, chassé par les motards. Sors les points pour le bobeur. Dans deux salles à faire.